histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire particulière du week-end, Philippe Roizès et Delphine Lemaire nous ont emmenés à Berlin. Nous sommes en 1983 et le magazine allemand Stern vient de faire une découverte exceptionnelle, 62 carnets intimes d'Adolf Hitler. C'est un antiquaire allemand qui a mis la main dessus et il en coûtera au magazine 9,3 millions de Deutschmark. Fort de ce scoop d'enfer, Stern va en publier une partie et va les vendre à des organismes de presse internationaux, dont la France. Et c'est le journal Paris Match qui les achète et en fait la une. Le scandale ne va pas tarder à éclater et l'escroquerie avec. Pouvait-on tomber facilement dans le panneau? Était-il vraiment plausible d'imaginer Adolf Hitler en train d'écrire son journal intime? Retour à la rédaction de Paris Match. Alors, monsieur Silianov, je m'adresse d'abord à vous, parce que je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé concrètement quand on vous a présenté ces carnets? Voilà, Paris Match a été contacté très discrètement et dans le plus grand secret, au plus haut niveau, par les gens de Stern, qui sont venus à Paris, qui ont envoyé un représentant à Paris au mois de février déjà, annonçant qu'ils ont un document d'un exceptionnel intérêt et qu'ils viendront nous le proposer un peu plus tard, ce qui est arrivé au mois d'avril. Et nous sommes allés à Troyes, du journal, le chef du service photo, un des rédacteurs, et moi-même, pour entendre ce que les gens de Stern nous diront. Nous ne savions que cela, qu'il s'agissait d'un document qui était le journal, les carnets du journal Hitler. L'affaire des carnets d'Hitler, un documentaire de Philippe Roizès, réalisé par Delphine Lemaire. Seconde partie, Paris Match dans la tourmente. En janvier 1983, le magazine allemand Stern contacte ses homologues étrangers pour vendre l'exclusivité de son scoop, la découverte des carnets secrets d'Adolf Hitler. Newsweek aux États-Unis, Sunday Times en Grande-Bretagne, Panorama en Italie, et d'autres sont sollicités. En France, c'est Paris Match qui se montre tout de suite intéressé par ce qui semble être le coup journalistique à ne pas rater. Le contrat négocié avec le magazine allemand constitue une affaire de gros sous, mais aussi la promesse de vente mirobolante. Voici comment, jour après jour, Paris Match, pensant faire un coup, s'est finalement retrouvé emporté dans l'engrenage de la supercherie du siècle. En couverture de son premier numéro consacré au journal d'Hitler, publié le 6 mai 1983, on peut lire « Exclusif. Les carnets d'Hitler, il y en a 60, découverts par les journalistes de notre confrère allemand Stern, tels que les envoyés spéciaux de Paris Match les ont vus et étudiés dans une banque de Zurich. Sur la couverture de cuir, les initiales AH en gothique. Ces cahiers secrets, controversés par certains, sans examen, s'ouvre pour nos lecteurs. Merci. Excusez-moi, j'ai 5 minutes de retard. Au bon, voilà, j'ai retrouvé ça. Ce sont des journaux. Hein. De Vigne, alors. Trois numéros que j'ai de Newsweek. C'est dans un salon du bar d'un grand hôtel parisien que je retrouve Patrick Mahé, le numéro de Paris Match, un des rédacteurs en chef de l'époque. Le représentant de Stern prend contact avec Paris Match sous le sceau du secret, donc il lâche très peu de choses. C'est donc dans ces conditions que nous allons dans une banque suisse à Zurich. Et on est accueillis par des gens, exactement des caricatures de banquiers secrets, quoi, un peu d'agents secrets, froids, genre attachés caisse et tout ça. Et nous sommes amenés dans une salle en sous-sol, une salle blanche, pure, il n'y a rien, une table, c'est tout. Le silence, je me souviens de ça, m'avait frappé ce silence. L'atmosphère, l'ambiance dans cette salle, il y a une pression, parce qu'on est seul pendant longtemps. Il n'y a personne qui n'apparaît. Et soudain arrive, on entend un bruit de chariot, comme dans un hôpital pratiquement, et arrive dans cette salle un chariot, ou deux, je ne sais plus, un chariot je crois, avec des caissons métalliques. Deux caissons métalliques et des gens qui ouvrent ces caissons métalliques comme ça et qui commencent à sortir les cahiers qui feront les couvertures de Stern, les couvertures de Paris Match. avec le sceau, la signature d'Adolf Hitler, en principe, qui devrait être la vraie. Et puis, c'est pas tout. Il y a une nuée de petits documents d'appoint. Une nuée. Des aquarelles, des notes dans tous les sens. C'est-à-dire un foisonnement important. Cette visite dure peu de temps, en fin de compte. On ne touche même pas les cahiers, on n'a pas le droit d'y toucher. D'ailleurs, rien. Enfin, on nous les ouvre, on nous les présente, on tourne des pages pour nous. Chaque cahier contient à peu près une centaine de pages manuscrites d'une écriture qui évolue en fonction des années. Ce n'est pas la même écriture. Elle est plus ferme au départ, elle est plus flottante à la fin. Antenne 2, édition de la nuit, interview d'Eugène Silianoff, journaliste à Paris Match. Ils se présentaient comme de grands carnets reliés à un cuir, un simili-cuir noir, in quarto, en format, à peu près de la même épaisseur. Et sur certains, il y avait des cachets en cire, avec l'aigle du Troisième Reich. Et sur l'un, sur le premier, je crois, il y avait les deux initiales d'Adolf Hitler en caractère gothique métallique. Nous n'avions aucun moyen de nous assurer de l'authenticité puisqu'on les voyait pour la première fois. Et dès lors, on va rendre compte de ce qui s'est passé à notre direction générale. Et dans ces conditions, sur la foi de documents transmis par Stern, qui sont des expertises. Et notamment celle de Trevor Roper en Grande-Bretagne, et qui avait écrit les derniers jours d'Hitler à la demande de l'Intelligence Service quand même, donc sur la foi de ce document principal, et aussi d'expertise graphologique. Il est décidé d'aller au-delà, de suivre. Paris Match, 6 mai 1983. Notre conviction est emportée lorsque Stern nous communique les documents annexes. Au premier rang, le résultat de l'examen des carnets par le célèbre historien anglais Hugh Trevor Roper, historien de Cambridge, spécialiste d'Adolf Hitler faisant autorité. Il est l'auteur du livre « Les derniers jours d'Hitler », compte-rendu des investigations dont le chargèrent les services secrets britanniques sur les circonstances de la mort du Führer dans son bunker berlinois en 1945. Ce qui le frappa le plus, c'est le volume énorme de ces carnets. Impossible d'avoir forgé tout cela. Avec les carnets étaient stockés des quantités de documents de la main du Führer. Notes, lettres, compte-rendus d'entretiens, pense-bêtes et près de 400 dessins et peintures signés par Hitler. Impossible aussi d'avoir fabriqué tout cela. Aucun faussaire, et d'ailleurs dans quel but, n'aurait pu se livrer à pareil travail. En outre, le contenu des carnets recoupait fréquemment, sans erreur possible, des événements de tous connus, mais auxquels Hitler seul pouvait apporter tel détail, éclairant l'événement jusque-là demeuré obscur. J'étais celui qui faisait marcher la boutique. Je ne parle pas au niveau éditorial, mais je parle au niveau, je dirais, gestion, management, etc. Gérald de Roquemorel, administrateur général de Paris Match en 1983. Rappelons qu'à l'époque, Match a probablement atteint son maximum historique de vente avec plus de 900 000 exemplaires, qui est énorme. Ce que je me souviens extrêmement bien, c'était le voyage décisif à Hambourg. On était quatre, l'expert, le décisionnaire, l'avocat et je dirais celui qui paye, moi-même. C'est pas avec son argent, donc les choses sont plus faciles. Et donc on part tous à Hambourg, et là, cirque maximum. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls, il y a l'équipe du Figaro Magazine qui est là dans une pièce à côté, qui attend. Alors, on vous a donné la préférence parce que Match, Stern, c'est une vieille histoire. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, c'est le Figaro Magazine qui est là, qui trépigne, qui va le prendre. Vrai ou pas, je n'en sais strictement rien. Mais enfin, le schéma était bien monté. Et donc, on a en face de nous des négociateurs très durs. Bon, on peut pas vous montrer plus, on peut pas vous garantir plus. Vous dites, mais si c'est faux. Non, c'est pas faux. Allez, c'est Stern. Stern ne pas faire acheter quelque chose de faux. Et avec cette histoire remarquablement racontée, l'histoire de l'histoire, qui a été reprise dans le premier numéro de Match, sur ce dernier avion, le dernier Junker, qui part de Tempelhof, sous les éclats de buis, et qui s'écrase dans la forêt noire. C'est tellement beau comme histoire, franchement. Bon, c'est vrai, on a envie d'y croire, quoi. Paris Match, 6 mai 1983. Grâce à la découverte de ces carnets, est résolue l'énigme que posait un passage des souvenirs du général Hans Bauer, pilote personnel d'Hitler et l'un des derniers fidèles présents dans le bunker en avril 1945. Il écrivait en 1952. Les avions s'envolèrent de Berlin le 25 avril en direction de Munich et de Salzbourg. Ils décollèrent à 2h du matin pour arriver à leur point de destination avant l'aube. Seul le major Gundolfinger ne put partir parce qu'il lui manquait quelques passagers. Quand il décolla enfin, il ne restait plus que 50 minutes de nuit. Tous les avions, sauf le sien, nous signalèrent leur bonne arrivée. On rechercha sans succès l'appareil disparu. Quand j'annonçai la nouvelle à Hitler, il manifesta une vive agitation. Il y avait à bord de cet avion un de ses serviteurs à qui il attachait une importance toute spéciale. « Je lui ai confié des papiers d'une valeur exceptionnelle, me dit-il, qui porteront témoignage de mes actes devant la postérité. » La perte de ces papiers semblait l'affecter énormément. Et il mit fort longtemps à se calmer. Die Bewegung, sie lebt und sie steht felsenfest begründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er. Ah, j'ai marché à 100%, oui. Et surtout, la confiance des sources. La source, c'était Stern. On ne peut pas se tromper. Stern ne peut pas se tromper. Quand le pape dit que Dieu existe, vous ne dites pas, mettez pas ça en doute. Bon. Vous ne dites pas, si Dieu n'existe pas, remboursez-moi. Bon. Mais plus Stern était rigide dans la négo, plus on leur faisait confiance. Sandwich saumon, un truc comme ça rapide, café noir très, très fort dans des grandes tasses, et on continue la discussion. Et en fait, ce qui va un peu faire basculer la décision de participer à cette aventure, c'est qu'il y a ce consortium de presse avec Newsweek, avec le Sunday Times, avec Stern. On se sent quand même, c'est pas possible, assez fort. Différents magazines dans le monde qui ont décidé d'y aller, d'acheter les documents et de... Très exactement. Les jours du siècle, France Inter, 27 mai 1998, Stéphanie Duncan. Dès le 25 avril, les réactions de doute et d'hostilité ne tardent pas. Et comme tout le monde, Véronique Soulé dans Libération constate « Formidable coup de bluff, faux du siècle ou document véridique. En tout cas, l'affaire est et sera juteuse. » J'ai fait le tour des correspondants, qu'on avait de bons correspondants, et qui même ont enquêté, enfin très vite, sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on savait sur place, comment s'étaient fait les négociations, à quel prix on estimait justement la vente de ces faux carnets. Oui, on a tout de suite accroché sur le thème du prix. Véronique Soulet, journaliste à Libération en 1983. Paris Match était un journal connu pour son sensationnalisme. Alors à côté des journaux People, etc., on peut dire que c'est un journal de grande qualité. Mais voilà, il était vu comme sensationnel. Il y avait est-ce que c'était d'ailleurs à cette époque, ce slogan, le poids des mots, le choc des photos. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais enfin c'était surtout le choc des photos, en l'occurrence. Le poids des mots, ça se discutait. Est-ce que Match a fait un travail de vérification complète des sources de ce qui était écrit? La réponse est non. Pourquoi? On achète très cher quelque chose qu'on ne peut pas divulguer. Parce que la logique industrielle ou commerciale ou journalistique, mais qui va au-delà de l'argent, hein, la logique de la fonction qu'on exerce, suppose qu'on prenne des risques. Et évidemment, à partir du moment où on prend des risques, quelquefois ça vous tombe sur la gueule. Donc l'exigence du métier, l'exclusivité du scoop et le prix du scoop fait son exclusivité sur un truc énorme, etc., l'exigence du métier rendait crédible la manière dont ça s'est passé. Et donc, on négocie un accord très cher. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure négociation de ma vie, pour être franc. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire combien vous avez payé pour... Ça pue tout. 400 000 dollars. Oui, ça les valait. Ça les valait. Enfin, ça aurait été vrai que ça les valait. Est-ce que vous vous souvenez quels étaient les arguments, les premiers arguments de Libération pour être méfiant par rapport à ce scoop? Oui, écoutez, les premiers arguments de Libération étaient notamment, effectivement, la vérité historique. Je dirais que le premier jour ou le deuxième jour, hein, le 25 avril, je prends le journal sous les yeux, on a interviewé l'historien qui faisait autorité sur l'Allemagne contemporaine. Pierre Essobéry était vraiment la personne idoine. Et quand je relis, je m'excuse, mais quand je relis l'interview de Pierre Essobéry, je veux dire, c'est éclatant, si vous voulez. Quand il dit que Hitler, par exemple, passait ses journées à parler indéfiniment avec ses proches, il était d'un ennui intégral, donc on peut se demander déjà, est-ce qu'il avait le temps, déjà matériellement, d'écrire. On sait aussi, comme dit Pierre Essobéry, qu'il y a des historiens qui passent le temps à reconstituer heure par heure, jour par jour, la vie d'Hitler. Donc est-ce que le fait qu'il ait passé un temps infini à écrire des carnets aurait pu passer inaperçu ? Il y a aussi l'histoire de la main qui tremble. Tout ce que dit l'historien Pierre Essobéry le 25 avril fait que on doute sérieusement, si vous voulez, scientifiquement, le doute est important. Les journaux font appel aux historiens, Stéphanie Duncan, qui sont plutôt sceptiques. Pour André Brissot, dans le quotidien de Paris, la rédaction d'un journal intime cadre mal avec le personnage d'Hitler, qui, dit-il, écrivait peu. Beaucoup de réserves aussi de la part de Pierre Essobéry dans Libération. Il serait incroyable, dit-il, qu'un personnage qui a joué des rôles toute sa vie apparaisse dans sa nudité profonde dans des carnets. C'est André Brissot, le 24 avril 1983. S'il avait écrit un journal intime, Déjà, si, c'est donc que je suis sceptique. S'il avait écrit un journal intime, je pense que son entourage s'en serait aperçu et qu'on aurait déjà des témoignages disant qu'à tel moment de son existence, il se retirait pour écrire. Or, jamais, tout au moins les trois ou quatre personnes que j'ai pu rencontrer qui ont été dans l'entourage de Hitler, jamais ils n'ont parlé de Hitler écrivant. Quand il voulait exprimer une idée, il dictait à ses secrétaires qui étaient toujours autour de lui. Paris Match, 6 mai 1983. Certains historiens, comme le professeur Werner Maser, révèlent qu'il est difficile de croire que l'entourage d'Hitler ne se soit jamais aperçu qu'il tenait une sorte de journal. C'est alors qu'une recherche plus approfondie a montré qu'une grande partie des lettres ou des instructions qu'Hitler dictait chaque soir à sa secrétaire, Christa Schröder, sont évoquées dans ses carnets. La conclusion évidente est qu'il les rédigeait en fin de soirée ou pendant la nuit, il était insomniaque et sans témoin. Le 25 avril 83, il y a la fameuse conférence de presse de Stern. Ils ont les carnets, ils en présentent certains. Et là, ils ont l'expert britannique, spécialiste du Troisième Reich et de Hitler en particulier, Hugh Trevor Roper, qui avait donné son aval au départ, et en pleine conférence de presse, il exprime des doutes et il dit « je suis plus très sûr ». Justement, je crois que à ce moment-là, on pose des questions, on dit « mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Stern, comme d'habitude, prend un truc très catégorique. « On est sûr de nous et tout. » Bon. Puis la machine était lancée. C'était trop tard, quoi. C'était trop tard. On n'avait pas le temps de se retourner vraiment sur une enquête approfondie parce qu'il y avait une date butoir de parution. Simultanée et proche, immédiate. Et c'est cette simultanéité qui a fait que la décision s'est accélérée. Puis on est pris dans cet engrenage d'un espèce de TGV de presse qui fonce à toute vitesse. Nous, Paris Match, nous entendons maintenir notre publication, parce que pour l'instant, notre conviction est faite tout de même avec les trois experts internationaux qui avaient été désignés par Stern. Patrick Mahé, 25 avril 1983. Notre journal ont vu ces experts parler avec eux. Non, mais nous n'avons pas vu les experts, mais nous avons obtenu leurs conclusions. Leurs conclusions qui nous ont été remises. Je peux même vous les citer, si vous voulez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est accuser un document d'être un faux sans avoir rien vu. Sans avoir rien vu ce qui avait été déjà fait depuis 48 heures. Or, nous publions ce document, les lecteurs, il est normal, se feront une opinion en les lisant. Et nous donnons également l'opinion, l'avis des experts qui ont été consultés, qui ont étudié les documents il y a de cela déjà quelques mois. Vous l'avez acheté mois. Combien ce document qui est peut-être bidon ? Vous savez, nous ne demandons pas à France Inter ou aux autres radios ou à la télévision combien ils achètent les événements qu'ils réalisent. C'est une règle de ce métier, je crois. Il y a dans ce métier c'est deux secret. Catégories de journalistes, ceux qui font l'événement et ceux qui le commentent. Nous préférons le faire l'événement plutôt que de le commenter. Il y a cette formule que je trouve quand même démagogique à l'époque, oui, de la part de Paris Match. C'est controversé, on vous le livre tel quel, vous vous ferez une opinion vous-même. C'est impossible. Aucun lecteur lambda ne peut se faire une opinion réelle. Non, c'est vrai, c'est juste, vous avez raison, c'est vrai. En gros, à vous de vous faire votre propre idée, quoi, sur ce prodigieux ensemble, c'est vrai. Alors bon, ça s'est fait comme ça. Stern, quand ils annoncent ce scoop, ils parlent d'une obligation de réécriture de l'histoire du Troisième Reich, oui. Slogan qui sera repris par Paris Match. Est-ce qu'il ne fait pas un peu donner la leçon aux historiens en peu de temps, finalement ? Il faut laisser à Stern la responsabilité de son erreur. Mais la responsabilité à Paris Match de reprendre le même slogan, tout de même. Oui. Alors, là, se pose la question très intéressante. Est-ce que l'on a le droit de reprendre des slogans de gens qui ont des sources qui ne vous appartiennent pas ? Match aurait dû dire « Je ne m'engage pas sur ce sujet tant que je ne suis pas capable de vérifier que c'est bon ». Depuis près de deux semaines, on se demandait si c'était la découverte du siècle ou l'escroquerie du siècle. France Inter, 6 mai 1983. On a maintenant la réponse. Réponse catégorique, les carnets secrets d'Adolf Hitler qui ont été publiés conjointement par l'hebdomadaire allemand Stern et par le magazine français Paris Match sont des faux. Les documents, entre guillemets, ont été examinés par les archives fédérales et par l'office criminel ouest-allemand. Les experts se sont aperçus que des produits datant de l'après-guerre avaient été utilisés pour la rédaction des carnets d'Adolf. En début d'après-midi, le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé officiellement qu'il avait la preuve de la supercherie. Et Roger Théron m'appelle et me dit « Bon Patrick, c'est bidon, c'est un faux. On s'est tous fait avoir par des faussaires. » C'est la première fois vraiment qu'on est confronté à un faux spectaculaire et qui a des conséquences morales pratiquement. On est quand même un peu atterré. On a le genou à terre quand même. Hein. Nous, on a été un peu trop candide dans l'histoire. En fait, on a pris pour argent comptant les cartes qui étaient sur la table. L'équipe qui a été dans toute cette négociation, elle est quand même... Elle est abattue, quoi. La direction de Paris Match estime aujourd'hui qu'il est de son devoir d'arrêter toute parution... Patrick Mahé, 6 mai 1983. ...en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire. S'il y a eu manipulation et désinformation, d'où qu'elles viennent, et ce que nous avons toujours dit, eh bien, il sera passionnant de les tirer au clair. Paris Match reconnaît publiquement l'évidence. Le scoop du siècle est devenu la supercherie du siècle. Néanmoins, les textes déjà rédigés pour le deuxième numéro du magazine sont publiés en l'état. Dans les pages de l'édition qui sort le 13 mai 1983, Janco, célèbre polémiste, fustige les critiques. La controverse, violemment elle s'est déchaînée, sereinement nous l'évoquons. Sans examen, à la seule annonce qu'Hitler avait tenu un journal où il consignait des notes et que celui-ci avait été retrouvé, un cri, heureusement tempéré par quelques voix qui s'interrogent et balancent honnêtement leur opinion, c'est un faux. Dans les médias, les hitlérologues, dont on n'avait pas soupçonné jusqu'à ce jour les rangs aussi nombreux, poussent comme des champignons, des confrères brusquement spécialistes, ou qui le sont, mais en d'autres domaines, dont ils franchissent d'un bond hardi les frontières, viennent nous faire une leçon en dissimulant le mieux qu'ils peuvent, sous le bonnet de la vertu, leur oreille cassée de concurrents frustrés. Pour ce qui nous concerne, c'est après nous être posé toutes les questions que nous venons d'évoquer, que nous avons décidé d'être en France le relais et l'écho de l'événement constitué en Allemagne par la publication dans Stern des carnets. Cette publication soulève des questions. Tant mieux, car la vérité, quelle qu'elle soit, y trouvera à la fin son compte. Elle met en branle aussi des polémiques, qui ne sont pas toutes sans venin, mais contre lesquelles nous possédons les vaccins, qui absolument nous immunisent. L'amour de notre métier de journaliste, la force tranquille pour le bien faire, et la fidélité de nos lecteurs. Vous me dites que c'était trop tard, et puis de toute façon, même s'il n'avait pas été trop tard, remplacer tout ça, ça aurait été extrêmement compliqué. Ça aurait pu se faire. Le match suivant, il sort donc la semaine d'après, donc c'est le 13 mai 83. Alors, le ton général employé, c'est quand même « Qui êtes-vous, tous ces gens, pour nous faire la leçon ? Vous n'en savez pas plus que nous. » Vous persistez, vous signez quand même. Non, on gagne du temps. On n'est pas en train d'affirmer que c'est nous qui avons raison, tout le monde a tort. On fait à notre façon. Le sujet numéro un, c'est comment sauver la crédibilité de match. Et bon, à un moment donné, pour justifier sa bonne foi, il est bon de persister dans l'erreur. C'est un principe un peu cynique, mais bon. Enfin, je pense pas que ça ait été fait pour ça, mais quand même un peu. Paris Match, 20 mai 1983. La recherche de la vérité. Les carnets d'Hitler. Leur authenticité est désormais radicalement contestée par les autorités officielles allemandes. Paris Match mène son enquête pour savoir qui a monté cette manipulation. Et pourquoi. Les conclusions sont formelles, et les carnets ont été fabriqués. Comment, par qui, où et pourquoi. Telles doivent être, désormais, à propos de ces faux, les vraies questions. Elles sont d'une très grande importance, et Paris Match s'efforcera, pour sa part, d'y donner des réponses. Cela dit, nous n'avons à recevoir des leçons de personne. Surtout si une morale s'en mêle, qui insinuerait que nous avons pu avoir des complaisances pour participer à une opération visant à réhabiliter l'image d'Hitler. Paris Match, en tout cas, à sa place, assume pleinement la première décision qui fut d'entreprendre la publication en France des carnets et sa seconde décision consistant à l'interrompre. Après la divulgation d'une part, certes, essentielle, et nous sommes les premiers à en être satisfaits, mais d'une part seulement de la vérité, dont un autre pan capital reste pour l'heure dans une ombre que certains dissipent trop hâtivement. Bah en fait, le troisième numéro dit, bon ben bah, voilà, on est devant le fait accompli, c'est un faux. Maintenant, on mène l'enquête pour savoir voilà. D'où viennent ces faux. Oui, c'est pas bête, d'ailleurs. On était le premier sur le scoop, on est le premier sur l'enquête. Non, ça m'étonne pas arrangé, c'est un très bon positionnement, ouais. Bravo. Enfin, à l'époque, les premières supputations, c'est quand même que c'est la RDA qui aurait fabriqué les carnets. Piste que soutient Paris Match hein, dans la recherche de la vérité. C'est possible, mais enfin, il fallait bien trouver quelqu'un, il fallait bien trouver un coupable. Effectivement, c'est gênant pour un journal. Bon, ils avaient peur de perdre en crédibilité, donc après, c'est le calcul. Comment on fait pour atténuer un petit peu l'impact négatif, en fait, et puis sur le nombre de ventes, en fait, du journal après. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas être donneuse de leçons. Voilà, je pense que l'explication de l'erreur aurait dû être à la hauteur de l'erreur, quoi, grosso modo. Est-ce que vous pensez qu'une telle affaire serait encore possible aujourd'hui? Je pense que oui. Il peut y avoir une reprise, par exemple. Maintenant, il y a une presse diverse. Il y a un brouhaha, il y a un nombre incalculable de sites, et bon, vous perdez là-dedans. Et il y a une course à la vitesse, au buzz. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, je vois très bien des médias extrêmement rapides, évidemment, je pense aux télés en continu, à des sites, etc., vous annoncer comme ça en courant de journée, ah ben voilà, Stern a publié des carnets d'Hitler, et puis vous faire des résumés, appeler trois spécialistes, et puis rappeler d'ailleurs toujours les mêmes spécialistes, puisqu'ils sont spécialistes de tout, donc ils commentent tout. Voilà, donc ça peut durer quelques heures quand même, assez longtemps, avec les photos du journal. Bon. Et puis après, tout d'un coup, ben, un journal sérieux, voilà, ou une voix autorisée annonce que c'est des faux carnets. Alors voilà, on embraye, c'est des faux carnets, voilà. Donc vous avez effectivement des sites, télé en continu ou autres, tentés par le buzz, qui font effectivement un buzz terrible, et puis après qui disent le contraire, enfin sans se gêner, etc. Bon. Mais, si vous voulez, l'autre aspect, là où je dis c'est pas possible, ou possible, mais pas très longtemps, c'est que dans la presse actuelle, vous avez maintenant quand même des vérificateurs, entre guillemets, des fact-checkers ou des décodeurs, ou aussi des réseaux, d'ailleurs, de journaux, de journalistes internationaux, qui enquêtent très vite, qui unissent éventuellement leurs forces, et qui vont pas lâcher. C'est ce qui passe actuellement, et on le voit très très bien, avec cet engin épouvantable qui s'appelle Google. Lorsque Google News reprend toute chose, que finalement tout le monde copie tout le monde. Tout le monde ne fait que reprendre ce qu'il a lu ailleurs sans avoir vérifié les sources de ce qu'il a vérifié ailleurs. Est-ce qu'on le referait? J'ai peur que oui. C'était l'affaire des carnets d'Hitler. Prise de son, Benjamin Thureau et Arthur Gerbeau. Mixage, Cédric Châtelus. Archivina, Marine Descamps. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Delphine Lemaire. Un documentaire de Philippe Roises. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'un puzzle sanglant sur une voie de chemin de fer. Mais c'est une autre histoire.